où nous sommes. Quand il appelle à la prière, certains se droguent au touch, d'autres font chauffer la cuillère, certains se bourrent la gueule, arrosent la misère, d'autres sont dans une tournante avec la fille du commissaire pendant le ramadan. Après la soupe, on fume un joint, au lieu de la mosquée, dans les halls, tous on se rejoint et de loin. J'entends l'imam, c'était les bonnes paroles, en même temps autour de moi, l'ambiance s'affole. Mais heureusement, y'a des frères sur le bon chemin qui font tout ce qu'ils peuvent, ne gâchent pas leur destin. Et moi, je ne trouve pas normal qu'à la télé en pleine journée il passe des meufs à poil. Et moi, je ne peux pas rester normal, je pète les plombs car il y a des pédales qui s'emballent. Et moi, je sais que ce ne sont que des excuses de moi, des gens dans le haram, pourquoi la bonne voie on refuse. Je dis pas qu'on peut pas, mais on se bat pas pour, et on y pense en promenade, en se croisant dans la cour quand c'est trop tard.